La Smala, pa pa pa, pa pa pa pa pa pa pa. On aime personne, allez tous vous faire enculer. Pute. J'ai mal, parce que je suis seul dans ma tête. Pour oublier, je me drogue comme un athlète. Car à celui qui touche à ma Z, ma putain de vie passe du doute à la dette. Les soucis, je les ramasse tous à la pelle. Y'a des choix qui nous poussent à la peine. La connerie, certains cousent à la peine. On nous pousse à le faire, alors pute à la ferme. On veut le luxe, mais je suis deck quand je regarde le prix. Le réveil est brutal quand le pack c'est vide. J'ai pas de ceux qui braquent pour un pack de pinch. Trop de frérots craquent et embrassent le vice. J'ai plus de reflets depuis que la glace se brise. J'baisse le rap, c'est pas sur ça que je mise. Y'a plus beaucoup de douceur dans nos petits cœurs. Demande aux normes, surnomme le marteau piqueur. Et t'entends ce bruit, c'est celui de mon pêche qui s'allume. La crise d'une petite alu, 16 rimes et puis salut. T'es sali, arrête, gaspille pas ta salive. On maltraite les sales bites quand les MC salis. C'est salé, j't'ai déjà dit, reste pas là. T'aspect, Matza, c'est la Smala. S-E-Y-T et tout en délicatesse. Dis à ta madre que j'suis pas célibataire. Ma thèse, c'est ma belle et de la salaire. Psa galère sa mère en attendant le salaire. Il fallait taffer pour se mettre à l'aise. Sachez que j'ai où je vais me foutre, où vous allez. On va là où ça pue la Sla. Avec du toit banda, remballe ta baïda. Comme ça, frère, garde tes coups de pression. Je vous baisse, je sais pour qui mes couplets sont. Ouais, c'est Costa. Si tu demandais qui c'est, je suis pas un gangster. Et encore moins un type sophistiqué. C'est pas un texte triste, ni moraliste, juste réaliste. Je vais pas à l'église. Ma dernière fois, c'était pour loin mort, mais pas votre Christ. Ma pisse est claire, parce que je te désonne, putain, en un éclair. Ma paire pour me soutenir quand faut faire ce qu'il y a à faire. De toute façon, je vous encule tous. Peu rien à foutre de mettre des gens à dos. T'as rappeur toi avec les barres qui fait 50 partout. Je dirais plutôt écoute tes soins connais gros. Là tu comprendras c'est quoi. T'inquiète on sait se mettre bien. Même si les budgets sont sécos. Tu connais abonné, un rythme désordonné. Mes collègues sont honnêtes. Même si t'ont peut-être déjà volé méconnu. Je préfère ça de façon c'est rien du son. Elles sonnent sur les cuissons. T'inquiète je viens te faire poser les bonnes questions. Les suceux se manifestent pour un plan juteux. Tu veux nous faire cracher des thunes, ça fait un plan douteux. Et un part, genre une plante douteux. Pourquoi tu jactes? Y'aura une sale odeur, j'sais pas ce modèle. Qui gère, qui modère. Ferme ta gueule, bâtard, ici c'est le mot d'ordre. Avec c'est la manche, je pense devant la PlayStation. C'est l'exutoire collectif, le groupe qui aime personne. J'fais du son tout cru, mais goûtu. Tu veux de la bonne manche, ça met de la toute pure. Rappelle-toi, ces soirées à l'arrêt de bus. On commence à rapper, on s'arrête plus. Quand j'suis assoiffé, mais j'ai trop bu. Vas-y, fais péter la vodka Red Bull. Que dans ma tête, ça fasse bang bang. Que je sois trop def, man. À la fin de cette bouteille, blague à part, on fait du rap, on vous aime pas. Eh bâtard, tu fais de la pub quand tu l'es pas. J'fume un pet-chef, décolle direct dans l'espace. Ne parle pas de stars, de paillettes et strass. Quand les M6 vénèrent, ils sont pris pour des Saiyans. Ils ont craqué, en fait, crois qu'ils ont tous Saiyak. Ils courent tous après la maille, c'est des rappeurs à la masse. Ghetto Dirty Sauce, en fait, tout ça c'est de la masse. Ils espèrent tous que ça marche, mais ils font tous trop ça mal. Et retourner tous au travail, moi j'fume mon gros pet-chlac. J'oublie tous ces connards qui rêvent d'hôtel Conrad. Gros contrat, entre vous et moi, y'a plus d'un contrat. Des barrards, y'a que ça contrat. J'te rappelle, j'baise le rabel, j'ai la pêche quand j'vous fais de la peine. Ici c'est monnaie sale, j'parle dans ma poche, la monnaie sale. La beuh, j'suis son esclave, t'es mal, les couplets de clap. Les couplets de slap, c'est na moche, j'fais pas du cinéma. C'est la mort quand toute ma clique démarque, ouais. C'est la mort quand toute ma clique démarque. Si, la Smala, brrrr.